À contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici mardi midi ensemble. Ralentir pour vivre, cette fameuse association qui veut faire de la sensibilisation et de l'information. Je dis bien qui veut parce que vouloir n'est pas toujours pouvoir. Il est difficile de présenter ce sujet sans avoir en face de nous des personnes qui sont quelquefois réticentes parce que c'est un sujet tabou. On est bien d'accord. Donc, nous revoilà effectivement avec ce sujet. On avait parlé depuis le début de l'année des fondamentaux, c'est-à-dire des symptômes principaux qu'on peut remarquer quand on a le burn-out, ou en tout cas qui pointe son nez, et puis le burn-out des militants. Cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet. Mais avant, je vais passer la parole à Lia qui va nous dire beaucoup de choses sur cette émission. Bonjour Catherine, bonjour auditeurs de Radio Gemozo, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir à une nouvelle fois dans À Contretemps, c'est à vous en direct. Et on compte sur vous, on aimerait bien que vous libériez un petit peu votre parole, que vous nous posiez des questions, que vous veniez témoigner, pourquoi pas. N'hésitez pas, le standard est ouvert, 03 29 62 40 40. Vous pouvez aussi nous envoyer un message depuis sur nos réseaux sociaux, Radio Gemozo, Gemozo ou l'association Ralentir pour vivre. Si vous avez envie de témoigner anonymement, c'est tout à fait possible. On compte sur vous. Voilà. Et donc, le sujet de ce jour, Lia, est un sujet un peu particulier. Tout à fait. Et je compte sur toi pour nous éclairer. Alors, justement, on va faire une petite explication ou en tout cas un petit éclaircissement sur un point qui est quelle est la différence entre culpabilisation et culpabilité. Ben oui. Car c'est un point qui est essentiel dans le phénomène de l'épuisement. D'accord. De but en blanc, comme ça, Lia, tu dirais quoi, toi? Allez, on va dire à l'arrache. La culpabilisation, c'est... Ah, c'est une bonne question, ça. C'est dur, quand même. Se sentir coupable, ce serait la culpabilité? Non, c'est pas ça. Si, t'es dans le bon chemin, d'accord. Vas-y, Lia. C'est ressentir de la culpabilité. Et la culpabilisation, c'est se culpabiliser. On a fait un petit... Non, c'était pas à gauche, c'était à droite qu'il fallait prendre, c'était pas tout à fait ça. Donc, la culpabilisation, la grande différence, la culpabilité, en quelque sorte, c'est se sentir coupable parce qu'on a fait une faute. Une faute qui doit être morale ou une faute qu'on sait avoir fait. D'accord. Je donne un exemple, je passe au rouge, je sais que je ne dois pas passer au rouge. C'est une faute parce que je le sais, d'accord ? Ça, c'est une faute majeure. Donc, je peux être culpabilisée en me disant, oui, j'aurais pas dû passer au rouge, voilà mon permis qui est en suspens. Donc, ça, c'est une culpabilité relative et juste. Culpabilisation, c'est autre chose. C'est le regard extérieur qui nous pousse à nous mettre dans une situation où on se sent culpabilisé par le regard des autres. Mais pas automatiquement une faute qu'on a fait, mais une faute qu'ils disent qu'on a fait, qui ne peut ne pas être une faute de nous-mêmes. Bon, vous allez me dire, c'est un beau charabia. Pour démarrer, on va écouter André Comte-Sponville qui nous parle de ce phénomène qui est la culpabilité. Plus que les autres disaient, pour paraphraser Dostoïevski, enfin je pense que c'était à peu près ces mots, je ne sais pas si vous connaissez cette citation, André Comte-Sponville. Pour parler de ce vaste sujet de la culpabilité, j'ai invité donc un philosophe, André Comte-Sponville. Alors André Comte-Sponville, je vais peut-être vous laisser, puisque vous en faites la définition dans votre dictionnaire, nous définir ce que c'est que la culpabilité pour vous en tant que philosophe. Écoutez, il me semble que la culpabilité, c'est être ou se sentir responsable d'une faute accomplie délibérément, c'est-à-dire en sachant qu'elle était une faute. Et c'est pourquoi les deux notions de responsabilité et de culpabilité ne sont pas synonymes. Si vous en êtes choqué quand Georgina Dufoy, ministre, se disait responsable mais non coupable, je n'ai pas jugé de l'affaire en question, mais je crois qu'en effet, on peut être responsable mais non coupable. On est responsable à chaque fois qu'on a accompli une faute. mais on n'est coupable que si on a accompli en sachant qu'elle était une faute. Prenons un élève qui fait une dictée, il fait des fautes d'orthographe. Il en est responsable. Il ne va pas demander qu'on donne la mauvaise note à quelqu'un d'autre que lui. Mais il n'en est pas coupable, puisqu'il ne savait pas que c'était une faute d'orthographe. Donc pour qu'il y ait culpabilité, puisque c'est l'objet du jour, il faut qu'on soit responsable, c'est-à-dire cause de quelque chose, ou qu'on se croit la cause de quelque chose. Il faut qu'on sache que cette chose est une faute. Enfin, troisièmement, il faut qu'on ait le sentiment de l'avoir accompli librement. Et je crois que c'est là où la notion de culpabilité touche à la morale. C'est qu'au fond, je ne suis coupable que si j'avais le choix au moment où j'ai accompli l'action. Voilà, donc là, on retrouve la définition complète. Donc, il faut être en conscience qu'on a fait une faute. Alors là, on revient à l'épuisement. Parce que c'est quand même un sujet dans lequel... On va le dire, toutes les personnes qui témoignent disent qu'elles ont un sentiment de culpabilité, d'accord ? Et est-ce vraiment une culpabilité ? Est-ce qu'on est vraiment coupable, et comme on le dit quelquefois dans l'association, coupable d'avoir été victime ? Parce que quelque part, l'épuisement, on a été victime d'un fonctionnement de société qui nous en a demandé toujours plus, or que, on n'avait pas l'énergie pour donner autant. Donc, est-ce qu'on est vraiment coupable dans ce... Alors là, non. Donc, on entre dans un autre domaine, qui est la culpabilisation. D'accord. Donc, c'est là la grande nuance. C'est-à-dire que la culpabilisation, c'est en fait une action de donner un sentiment de culpabilité, l'état d'un individu qui se sent coupable de quelque chose. Or là, je reviendrai à une expérience que j'ai faite il y a 20 ans, mais je l'ai faite. Cette expérience qui, quand j'étais en burn-out, en tout cas en épuisement, on me disait, oui, mais bon, faut retourner travailler. T'es en arrêt? Ah bon? Et là, il fallait dire, oui, je suis en arrêt. Je vous dis, quand même, il y a 20 ans, quand vous disiez que vous étiez en arrêt pour burn-out, on vous regardait en disant, mais elle est malade. Parce qu'on disait que c'était la maladie des gens qui ne savaient pas dire non. D'accord. Or, dire non, c'est se faire foutre à la porte, donc ce qui est un petit peu ambigu. Et donc, effectivement, ça, on en revient à un point. La culpabilisation, c'est comment les gens nous perçoivent. Parce que le burn-out, avant tout, est physique. Quand bien même on a maltraité notre corps, on a fait du mal à notre corps par la volonté, parce que c'est justement par la volonté, on veut absolument arriver à quelque chose et on maltraite notre corps. Donc on est arrivé à un moment donné où notre corps dit stop. Et quand notre corps dit stop, quelle est notre culpabilité ? Aucune. On dit, on est au bout de nos ressources. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Je donne un exemple. Quand on glisse sur une plaque de glace, on se casse la jambe, on n'a pas à avoir de culpabilité. La plaque de glace n'était pas visible, il y avait un peu de feuilles mortes dessus. Enfin bref, on glisse dessus. On peut pas avoir de culpabilité de ça. Donc, le burn-out, c'est la même chose. C'est un problème physique. À un moment donné, notre corps dit stop. Et on a à ce moment-là un besoin de prendre du recul, de voir les choses différemment. Seulement, et je dis bien seulement, avec ce sentiment de culpabilisation que nous offre la société, parce que la société, le nombre de fois, avec tous les témoignages que je prends, où j'entends des gens qui disent « Oui, mon voisin, il est en burn-out, c'est bien sympa, hein, il se prend 15 jours de congé, il relaxe. » Bon, d'accord, ok, j'entends, c'est quelqu'un qui... comme si c'était un manque de volonté. Or, ce qu'il y a de très amusant, c'est que cette culpabilisation qui est donnée par l'extérieur, comme si on avait un manque de volonté pour continuer quand on est en épuisement, c'est fait par des gens qui souvent ont une très forte volonté, qui, je m'excuse si ça peut choquer, mais qui seront les prochains candidats à l'épuisement. Ben oui. Parce qu'ils auront le même problème. Parce que ce n'est pas un manque de volonté, c'est une survolonté. C'est ça. Une survolonté. Et cette culpabilisation qui vient de l'extérieur est la plus grosse, la plus grosse difficulté à passer au-dessus. Parce que ce que pensent les autres de nous, on est dans une société où c'est très important. Le paraître. C'est vrai. Donc on a cultivé ça. Et donc maintenant, quand quelqu'un... moi, je me souviens, il y a 20 ans, quand j'étais en arrêt et que je croisais un de mes collègues en étant allé chercher des affaires à mon bureau, qui me disait « Tu fais quoi ?» D'un air de dire « Tu n'as plus de travail, ta vie, il n'y a plus rien. Ouais. » Ça m'avait marqué. J'avais mis une ou deux fois avant de réaliser que la meilleure réponse, c'était « je vis ». Ben oui. Parce que quand on est en épuisement, vivre, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'on se dit, là, vraiment, on a été trop loin. Et quelquefois, dans des problèmes de santé tellement importants qu'on a besoin de se remettre à jour et de reprendre les choses. Donc, le fait de culpabiliser, dans la culpabilisation, c'est donc le fait de culpabiliser quelqu'un. C'est-à-dire de pointer du doigt quelqu'un. Et c'est là qu'on revient à l'épuisement et au burn-out, qui est un sujet tabou. Et on le voit en faisant témoigner des personnes, le nombre de fois qu'on nous dit « est-ce que c'est possible de changer mon prénom ?» C'est pas anodin, hein ? Oui. C'est pas anodin. Mmh. Et puis, en fait, c'est le résultat. Et là, je pensais hier soir à une anecdote, mais bon, moi j'ai toujours des petites anecdotes un petit peu drôles. Quand j'étais enfant, bon ben ça reporte il y a 50 ans, voire 60 ans en arrière, j'étais dans l'incapacité de sauter, vous savez, on devait sauter à la gymnastique, tu vois ce que je veux dire, il y a un mètre vingt. Oui, oui, la haie. Voilà. Ah, les barres parallèles. Oui. Ok. Et puis, je pense que je ne devais pas dépasser 80 centimètres. Oui. Et donc, j'étais incapable, mais incapable, et tous mes camarades y arrivaient, et moi, je n'y arrivais pas. Après, quand il fallait monter à la corde, on devait grimper à la corde. Alors, oui. Allez, au bout d'un mètre de hauteur, ça y est, je redescendais parce que j'avais un sentiment de vertige, mm-hmm. Donc j'étais incapable. Par contre, il y avait d'autres choses dans lesquelles j'étais extrêmement capable. À 10 ans, je commençais à coudre, j'avais des choses où j'étais très, très forte. Contrairement aux autres. Donc, la capacité, c'est pas, je dirais, il n'y a pas une culpabilité à avoir. On n'a peut-être pas la capacité à aller aussi loin dans le stress que notre collègue, mais peut-être que ce collègue-là va aller tellement loin qu'à un moment donné, il n'y aura pas de point de non-retour. Ben ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette culpabilisation, mmh. cette maladie de société qu'on met sur le dos des gens et qu'on dit... Tel pas bon, tel pas gentil, tel méchant, tu fais pas bien. Non, je ne pense pas qu'on peut aller... Donc, différence entre culpabilité et culpabilisation. Alors, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On est bien d'accord. Seulement, je lance ce sujet pour que chacun puisse se poser la question. Est-ce que j'ai vraiment fait une faute en sachant que je faisais une faute ? Alors, à ce moment-là, je peux ressentir une certaine culpabilité. D'accord. Ou est-ce que c'est le regard des autres qui m'envoie cette culpabilité et je suis dans la culpabilisation ? Qu'est-ce que tu en penses, Lia ? Bah, c'est une grande question. Une grande question. Je pense que ça amène aussi à une connaissance de soi et c'est très important de pouvoir se poser ce genre de questions, de savoir, de jauger un petit peu où on se situe. Est-ce que vraiment on fait les choses... mal, entre guillemets, ou est-ce que finalement, c'est la perception des autres ? La perception est mal avec l'intention de faire mal. Oui, c'est ça, ouais. C'est là qu'on rentre dans la frontière très mince qu'il y a entre culpabilité réelle et culpabilisation, le regard de l'extérieur. Mmh. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a vraiment voulu faire mal ? Je donne un exemple, quelqu'un qui travaille H24, qui travaille le week-end et tout, parce qu'il a besoin de faire vivre sa famille, il a des impératifs. Ou du moins, il se met des impératifs en se disant, voilà, ma volonté va faire que je vais aller là. Est-ce qu'il l'a fait volontairement ? Est-ce qu'il était conscient qu'il allait mettre à mal son corps qui un jour allait lui dire stop ? Oui. C'est là que la sensibilisation et l'information sont importantes. Tout à fait. Il vaut mieux peut-être reculer un tout petit peu avant. Et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide? Faites-vous mine de rien voir? Avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Mes éclats de rire, mes blagues continues vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu. Mettez-vous à ma place un moment et voyez ce que j'endure souvent. Je ne veux plus faire semblant d'être heureuse devant vous, que ça vous plaise ou non, ben tant pis, je m'en fous. Vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout, je m'en fous. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on voit pas. C'est trop facile quand on ne voit rien. Ne me jugez pas. Cette chanson m'a réellement touchée, de Camille Lelouch. C'est oui, très très fort. Très fort et très représentatif oui. De la problématique. C'est une problématique. Dans le burn-out, dans l'épuisement, la culpabilité est grande par une grande culpabilisation. Oui. Quand j'ai regardé sur le dictionnaire, parce que j'aime bien le dictionnaire. Le dictionnaire, c'est quelque chose de neutre. Mm-hmm, on ne sait pas vraiment et on regarde. Et j'ai eu deux définitions. La culpabilisation est un sentiment négatif qu'il faut bien distinguer de la culpabilité. Donc ce serait déjà négatif, la culpabilisation. Mmh. D'accord ? La culpabilité, la reconnaissance d'être coupable d'une faute que l'on sait avoir commise. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La culpabilisation est la culpabilité qu'on éprouve pour une faute que l'on croit avoir commise. Donc pareil, qui êtes-vous pour me juger ? Hein ? Je suis ni religieuse ni vraiment croyante, mais c'est la parole de Jésus pour Marie-Madeleine. Qui êtes-vous pour lui lancer la première pierre ? Tout à fait. C'est ça qui est essentiel, je pense, dans le phénomène de l'épuisement, c'est sortir de ce carcan qui est l'image de cette maladie de société de laquelle on nous contamine, parce qu'on est contaminé par l'extérieur, et après de mettre ça sur son propre dos, or qu'on ne peut pas être coupable d'en avoir été victime. La deuxième définition, c'est la culpabilisation est également une arme psychologique de manipulation, beaucoup utilisée dans le rapport humain. On culpabilise quelqu'un pour finalement avoir un pouvoir sur lui. Cette arme peut détériorer profondément les rapports humains, créer des conflits et finalement perturber une harmonie qui pourrait exister si on remplaçait cela par la parole et l'échange. Donc là, on en vient vraiment à un problème, je pense, de base dans le phénomène de l'épuisement. Y a-t-il réellement de la communication entre, je dirais, les gens qui réclament un certain travail et ceux qui l'exécutent? Parce que souvent, on entend dans les témoignages, de toute façon, on a supprimé deux postes à côté de moi, on m'a augmenté et je savais très bien que je n'arriverais pas à le faire. Donc, est-ce qu'il y avait de la communication? Ben non. Il n'y a que de l'obligation. Il n'y a que de l'obligation et il y a ce côté qui fait qu'à un moment donné, on demande trop aux gens sans communiquer. Si on regarde bien, on revient à la communication non violente qui dit qu'on ne doit pas poser de jugement. Donc, est-ce que ce ne serait pas la communication non violente qui viendrait être un atout majeur dans notre besoin de communication, puisque chacun pourrait exprimer ses besoins? Alors, on peut comprendre, puisque chacun a ses raisons, hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui a raison. Alors, il y a des raisons économiques. Bon, ok, un employeur peut avoir des raisons économiques qui peuvent être, de son point de vue d'employeur, défendables. Je l'entends bien. Maintenant, il y a les besoins de l'employé qui est là, qui sont aussi entendables. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre les deux qui fait qu'on pourrait arriver à peut-être quelque chose de l'ordre, en tout cas de l'acceptable, que chacun fasse un pas vers l'autre pour arriver au milieu? Donc, dans cette histoire de culpabilité, on va beaucoup plus loin dans le sujet. C'est quand même très intéressant parce que j'ai trouvé un site internet qui était assez intéressant là-dessus, la clinique I de la santé. Et ils disent 4 étapes pour se libérer de la culpabilité. Comprendre l'origine de votre culpabilité. Alors, est-ce que c'est de la culpabilisation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on me colle comme un manteau qui ne me va pas? D'accord? Est-ce que c'est une culpabilité parce que je savais au fond de moi, mais là, la culpabilité, ça se discute inconsciemment que j'allais trop loin, on est d'accord. Mais bon, parler de ce sujet, d'ailleurs, le but de cette émission, de parler, hein, d'échanger et de faire raisonner les gens avec des échanges qui font qu'on peut peut-être se mettre à regarder les choses différemment. Parce que si je savais, oui, d'accord, mais est-ce que je suis vraiment coupable parce que je savais, mais oui, mais non, enfin, il y a toute une dynamique là-dedans qui est compliquée. Et puis, l'étape 2, ils disent exercer notre liberté de conscience. Alors, notre liberté de conscience, en toute conscience, j'ai fait ça parce qu'au moment X, je n'avais pas d'autres possibilités. C'est souvent que quand on fait des psychothérapies avec les psychologues, on parle et ils nous disent « Mais attendez, ne vous culpabilisez pas. À ce moment-là, vous n'aviez que ça comme ressource. » Ben oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on doit se mettre la culpabilité? On revient au fait que la culpabilité, c'est savoir que. Mais à ce moment X, on ne savait pas que. Donc, c'est important. La troisième étape, c'est apprendre à traduire notre émotion. Ben oui, parce que quand on est dans une situation où on chute, parce qu'on va pas se mentir, le burn-out, c'est une chute. Hein. C'est une chute qui est difficile à accepter parce qu'il y a l'amour propre. Après, ce sera l'objet d'une autre émission. Hein. Les besoins, quels sont-ils? Est-ce qu'ils sont réels? Est-ce qu'ils sont inventés? Est-ce qu'ils sont fabriqués? Ça, c'est autre chose. Mais traduire une émotion, parce que tout d'un coup, ben, c'est quand, comme un enfant tombe, il pleure. C'est une émotion. C'est, voilà, c'est une émotion, donc la traduire, dire voilà, je suis blessée parce que je ne me voyais pas tomber, je ne pensais pas que ça m'arriverait, ce fameux dicton qui dit ça n'arrive qu'aux autres, voilà. Et se recentrer sur soi-même, et là je crois que c'est l'essentiel. Se recentrer sur soi-même, c'est vraiment se mettre à l'intérieur de soi, examiner les réels besoins. Et ça, ce sera aussi le thème d'une autre émission, de comment est-ce qu'on peut avoir des palliatifs, ou en tout cas des aides, ou en tout cas des soutiens qu'on peut s'offrir à soi-même pour surfer avec cet épuisement et plutôt en sortir qu'y plonger. Mmh. Voilà, ça, ce sera le but d'une autre émission. Mais c'est très amusant. Alors là, j'aimerais bien qu'on entende une petite audio qui m'a beaucoup amusée. Allez, on va dire ça comme ça. Parce que c'est un langage de jeunes et je trouve tellement intéressant. Et là, vous pourrez regarder à quel point la personne parle vite et à quel point elle est prise dans l'émotion. C'est très intéressant, de la culpabilité. Nora Hamzaoui, très heureux de vous retrouver dans le 7-10, c'est à vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je voulais parler de ce sentiment si fort dont Mona Chollet parle dans son dernier livre. Il s'agit de la culpabilité, que mon amie Alice appelle aussi la culpa, et les moments dans les moments où elle est le plus irritante. Putain, je suis en culpa 3000, j'avais dit que je buvais 15 sprites ce soir, j'en suis à mon troisième pet nat, et on s'est même pas occupé d'Edouard Duridis. Est-ce que je culpabilise de l'avoir imité comme ça? Évidemment que oui. La culpabilité, ce sentiment qui fait qu'on dit pardon quand on nous bouscule, qui fait qu'on a l'impression d'avoir tout foiré, de pas avoir fait comme il faut, d'avoir parlé trop ou pas assez fort, d'être trop laxiste ou trop dur, bref, d'être une merde. Ce sentiment qui peut nous maintenir réveillés toute la nuit dans une dispute de couple par peur de l'abandon et qui se traduit chez moi par « me dis-moi ce que j'ai fait de mal, que je comprenne au moins ce qui va pas chez moi. Je vois bien qu'il y a un truc qui cloche, donc dis-moi s'il te plaît qu'au moins je puisse me remettre en question et changer. » Et qui se traduit chez ton mec par « écoute, il est 2h du matin, je suis fatiguée, je bosse demain, il faut que je dorme. » La culpabilité, donc, ce sentiment que nous connaissons tous, pardon, Toutes, évidemment, parce que eux appellent ça « est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant ?» Quand non, toi tu préférais pouvoir t'en vouloir toute la nuit, tout le mois, voire toute ta vie. Ce sentiment qui se trouve à la frontière de l'égocentrisme, il faut bien le dire, parce qu'à un moment, quand tout est de ta faute dans la vie, même la grêle samedi dernier, alors qu'on avait prévu d'aller à l'acrobranche, mais j'aurais dû anticiper, c'était sûr qu'il allait le pleuvoir. C'est sûr qu'on se donne une place un peu trop importante. Et encore une fois, à l'échelle intime, ça se traduit très bien. Le nombre de fois où je suis là, ça va, t'as pas l'air bien, tu fais la gueule, j'ai dit quelque chose qui t'a fait du mal, j'ai dit quelque chose qui t'a gêné, et que lui me répond très gentiment. Ah non, pas du tout, j'ai une contrariété au taf. Tout ne tourne pas autour de toi, en fait. Oh, la vieille crevure de merde, mais va bien te faire foutre avec tes remarques de vieille raclure, là. Eh ben oui, parce que la culpabilité peut aussi générer de la violence. Parce qu'à force de se remettre en question du matin au soir sans qu'on nous ait rien demandé, bah, le premier qui dérape, qui parle mal ou qui fait un truc de travers, bah, il s'en prend une. Et alors si ça tombe sur ton enfant, ah là là là là. Ah bah là, c'est plus de la culpabilité, c'est de la culpa 3000, comme dirait Alice. Pour la 72e fois, je te demande d'aller mettre ton pyjama en position debout, debout, tu n'y vas pas en rampant comme ça. Je n'en peux plus te demander mille choses et choses pour que tu les fasses. Alors maintenant, ça me rend dingue, tu files dans ta chambre. Enfiler ce putain de pyjama, d'accord? Tu n'es pas le roi à la maison, d'accord? C'est pas toi qui décides. Doudou, reviens, pardon, excuse-moi, reviens. Pardon pour le gros mot, pardon, je mettrai un euro dans ta tirelire, d'accord? Je suis fatiguée. Tu crois que ça m'amuse de me fâcher? Je préférerais largement avoir des bonnes relations. Et quand j'ai dit t'es pas le roi, je le pense pas. Évidemment que si, tu es le roi. Évidemment que si, tu es mon petit roi chéri. Allez, va chercher ton pyjama, je vais t'aider à le mettre. D'accord, c'est moi qui vais le chercher. Allez, je vais le chercher. Et puis après, je te ferai un petit massage pour que tu t'endormes tranquillement. Maman t'aimera toute ta vie, maman t'aimera toute ta vie. Mais je n'en peux plus d'être dans cette dynamique, en fait. Je n'en peux plus. Alors on m'a dit que c'était une histoire de pression sociale, qu'il fallait apprendre à avoir du temps pour soi, faut déléguer pour pas toujours juger toutes les tâches qu'on accomplit, par exemple en prenant une nounou pour la sortie d'école ou en prenant même une femme de ménage. Alors la nounou, j'ai pas trouvé parce qu'elles sont toutes jolies, c'est conne. Est-ce que je m'en veux d'avoir ce sentiment-là? Évidemment que je m'en veux. La vieille sorcière qui critique les petites jeunes qui viennent postuler, tout ça parce que j'ai trop maté les histoires de Sienna Miller et Jude Law. Mais franchement, quel cliché aussi lui. Mais j'avoue, j'ai essayé de prendre une femme de ménage qui est très mignonne aussi, mais elle a 53 ans, pas le genre de mon mec. Bref, je m'en veux aussi d'avoir ces pensées misogynes. Et pour en revenir à elle, tout m'a fait culpabiliser dans la démarche. Même le mot femme de ménage m'a fait culpabiliser. Ma pote Alice était là. Ah ouais, vous avez pris une femme de ménage? Je dis, non, pas du tout. On a quelqu'un qui nous aide. Elle t'abat. Elle vous aide à quoi au juste? Je dis, elle passe un coup, elle passe l'aspirateur si elle veut. Elle dit, oui, ça s'appelle une femme de ménage, quoi. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'elle est simpliste, cette meuf? Non, ça s'appelle pas une femme de ménage puisque je fais le ménage avant qu'elle arrive pour pas qu'elle ait trop de taf et pour qu'elle soit heureuse. Les gens passent leur vie à te dire, traite les autres comme t'aimerais qu'ils te traitent. Et c'est ce que je fais. Je lui sers son café, je lui mets une petite série. Il fallait vraiment qu'elle découvre culte, c'était important. Et je fais le ménage. Après ça, je vais au sport, mais ça, pareil, quelle tannée, franchement. Mais parce que même ça, mentalement, ça me fatigue. J'oscille entre « je veux le corps de cette meuf sur mon feed Insta, vas-y, tiens bon ton gainage, tiens le bon », jusqu'à « mais qu'est-ce que je fous dans cette salle qui pue à me faire hurler dessus par un gars en Marcel, mais libère-toi des injonctions, ma grande, bouffe et vis ta vie ». Et enfin, pour mettre fin à cette chronique, parce qu'elle est un peu trop longue et que j'ai menti sur la durée, je m'excuse auprès de la rédaction, pardon. Je culpabilise aussi, je suis obligée de parler de ça, de la légèreté de cette chronique. Culpabiliser d'essayer de vivre normalement et culpabiliser de notre quotidien quand tout est chaos juste à côté. Merci Nora Hamzaoui. Voilà, donc là, j'ai vraiment craqué pour cet audio, Lia. C'était génial. Ah, c'était tellement représentatif, tout en humour, incroyable. Voilà, c'est ce point-là, Lia. C'est-à-dire qu'avant, on a parlé de choses très, sérieuse et tout. Et si on dédramatisait un peu? Ben oui. C'est drôle, hein, c'est. Ah oui, c'est extrêmement drôle. C'est. Mais tellement juste. Oui, non, mais j'aime bien le mec qui lui répond, écoute, y a rien de spécial, mais y a mon taf. Y a pas que toi, on tourne pas autour de ton nombril. Bon, d'accord, ok. Et puis, la femme de ménage. Ah ben non, parce que je fais le ménage avant qu'elle arrive. Non, mais ça, c'est excellent. Donc là, je pense qu'il y a de matière à réflexion par rapport à la culpabilité. Donc le burn-out, l'épuisement, à un moment donné, qu'est-ce qui est essentiel? Qui est essentiel, c'est se recentrer, penser à soi. Alors d'accord, comme j'ai dit tout à l'heure, les conseillers ne sont pas les payeurs. On est bien d'accord. Par contre, quand c'est une question, je dirais, d'équilibre dans la vie, parce que là, on va revenir un peu au sérieux, hein. Moi, j'ai bien aimé le parler de cet audio parce que quand ils disent culpable 3000 et tout, moi, 66 bientôt, je ne parle pas, mais ça m'amuse énormément, c'est-à-dire que ça parle vraiment à des gens qui comprennent mieux ça que moi, les plus jeunes. À un moment donné, l'essentiel, c'est quand même de ne pas se mettre dans une situation qui fait tout foirer. C'est un peu ça l'idée. Oui. Alors. Là, on est arrivé dans un sujet quand même, culpabilité. Qu'est-ce qu'il y en a des sujets à être coupables? Ah bah ça, c'est sûr. Bah tous, en fait. Tous les sujets. Le couple, ton fonctionnement en tant que parent, ton fonctionnement dans ton travail. Voilà. Là, il y a, je dirais, il y a presque l'épine, tu sais, qu'il faudra enlever, là. C'est ça qui est le pire. C'est-à-dire, effectivement, et quand on ménage, hein, voilà, est-ce que ton ménage est fait ou pas fait, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Oui, c'est oui, pas oui. Ça qui va te faire tourner la terre dans l'autre sens. Tout est une question aussi de construction interne, et puis de confiance en soi, d'estime, ce dont on manque énormément, en fait, quand on est en syndrome d'épuisement, puisque tout ça, ça s'écroule. Donc, forcément, on est coupable de tout, puisqu'on ne vaut plus rien. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là où je voulais mettre le point, où ça fait mal quelque part, parce que ça fait mal, c'est doit-on se sentir coupable d'avoir été victime d'un épuisement ? Doit-on se sentir coupable ? Et c'est vraiment le leitmotiv qu'on dit dans l'association, c'est on n'a pas à se sentir coupable d'avoir été victime de circonstances X ou Y. Mais si on nous avait demandé de faire le planning il y a 10 ans en arrière, on n'aurait pas mis ça dans le planning. Il y a tout à fait. C'est pas notre faute. C'est les circonstances qui ont fait que ça a tricoté quelque chose qui, à un moment donné, arrive sur un clash. Alors, entre ça et les fondamentaux, on peut commencer à travailler sur soi en se disant, OK, voilà, est-ce que je dois me sentir coupable? Oui, non. Par contre, comme on dit sur le site, rien ne sert de courir, il faut s'informer à temps, hein. C'est peut-être important de commencer à faire la différence et de peut-être prendre de la distance par rapport à cette vision qui est de l'extérieur. Je dois dire que j'ai fait un plateau télé une fois où j'étais très vénère. Hein. Mais alors là, je vais parler jeune, j'étais très vénère, mais purée de vénère. J'étais avec une coach en management qui, entre deux fois où elle parlait, glisse très gentiment. Oh, mais il y a des gens qui font des burn-out et pourtant les autres à côté qui ont l'air d'avoir le même travail ne le font pas. Oh là, j'ai cru que j'allais... Bon, ça a été limite que je l'écrase contre le mur, hein, mais ça aurait fait trop de traces, la peinture était trop blanche, c'était pas le bon moment. Voilà. Ouais, elle savait pas de quoi elle parlait, quoi. Non. Et là, j'aimerais mettre le point sur quelque chose qu'on connaît dans le quotidien. Par exemple, je donne un exemple. Là, il parlait des gars qui disent... la femme se culpabilise et le mec qui dit écoute, il est 2h du mat, faut que je dorme. Donc voilà la différence. Eh bien, il y a aussi une différence dans la souffrance. La souffrance, t'as des personnes, elles doivent aller chez le dentiste, elles vont chez le dentiste. Elles vont chez le dentiste comme elles iraient chez l'oculiste. Voilà, puis elles reviennent. Puis t'en as d'autres, c'est une semaine avant que c'est vraiment la panique à bord. Et aller chez le dentiste, dès qu'elle voit l'aiguille pour faire endormir, elle panique, c'est tout juste s'il ne faut pas les ficeler. Donc, il y a une différence de ressenti par rapport à la souffrance. Une piqûre, il y a des personnes, moi je fais de l'acupuncture, hein. Enfin, il y a une médecin qui me fait de l'acupuncture. Et il y a des gens qui me disent, t'as pas peur des aiguilles? Non, ça ne me dérange pas. Mais il y en a d'autres, ils ne feraient pas, tout en sachant que c'est une méthode très intéressante, à cause du fait qu'ils ont peur. Donc, je dirais que dans l'épuisement, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on doit se sentir coupable de ne pas être consommateur de stress, de ne pas aimer ça, de ne pas être de ne pas kiffer, de ne pas... Il y a des choses dans la vie où peut-être que c'est pas notre fonctionnement, on nous fait épouser quelque chose qui n'est pas à nous. Je sais pas... Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense qu'effectivement, on a un ressenti complètement différent d'une personne à l'autre. Alors, attention à la culpabilisation de pas se dire ou que l'autre ne nous fasse pas penser que « Ah, tu es moins tolérant à la souffrance que l'autre. » Donc, tu es encore quelqu'un de fragile alors que c'est pas du tout le propos. Mais c'est vrai qu'on a une tolérance à la souffrance qui est complètement différente d'une personne à l'autre. Et puis surtout, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épuisement, c'est très insidieux en fait. Oui. On ne peut pas prévoir comment se culpabiliser d'être victime du syndrome d'épuisement, parce que déjà, ce syndrome, en fait, il arrive sans qu'on s'en aperçoive, finalement. C'est ça. C'est un moment où... peut-être utopiquement, on arrivera à faire des points réguliers au sein de son entreprise en ayant une meilleure communication, peut-être, comme tu le suggères, pour prévenir des risques que on pourra certainement, à un moment donné, l'éviter ou le voir arriver et prendre des mesures pour ne pas plonger dedans. Mais le syndrome d'épuisement, déjà, dans tout ce qui le caractérise, c'est quelque chose que tu vis depuis très longtemps sans t'en apercevoir parce que ça arrive tout doucement. Et qui, à un moment donné, te coupe les jambes. Oui, c'est ça. Et puis, il y a la dimension qui est physique. Au passage, là, à Saint-Étienne, à Remiremont, au mur de grimpe qui s'appelle... Open Block. Je donnerai une conférence le mardi 8 mars, le samedi. Le samedi 8 mars. Oui. Oh ben, j'ai un petit problème avec les dates aujourd'hui. Il doit y avoir un problème entre février et mars. Voilà. Le samedi 8 mars à 13h45, je crois. Ou quelque chose comme ça, 13h et des brouettes, en tout cas. Ah, je vais te retrouver cette information. Entre 13 et 14, où je parlerai justement de la part physique. Parce qu'on m'a demandé de parler de la charge mentale. J'entends bien parler de la charge mentale, mais à travers ça, je vais commencer par le phénomène physique qui se passe dans notre cerveau. Oui. Avec la surconsommation d'adrénaline et de cortisol et les récepteurs du cerveau qui n'arrivent plus à suivre. Tout à fait. Suivant un film de l'INRS qui est très bien fait à ce niveau-là. De 13h à 13h45. Merci beaucoup, Lia. Voilà. 16 rue du Vélodrome à Saint-Étienne, les Remiremont. Merci beaucoup. Donc là, il est important de voir, quand tu disais que ça arrive de manière insidieuse, alors il est clair que ça arrive de manière insidieuse. Ce pourquoi il faut s'informer. Tout à fait. Je vais prendre le marteau et enfoncer le clou. Informons-nous. Boum, boum, boum, boum, boum. Parce que c'est là que réside une chance de ne pas en arriver aux Japonais. Parce que la population japonaise a une particularité, ça s'appelle les Shiroki, je pense, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire qu'eux, ils sont arrivés à l'épuisement, en règle générale, au stade ultime, c'est-à-dire qu'ils en meurent, ils vont au bout du bout du bout, qui se termine à 90% par des crises cardiaques, avec le téléphone à la main, et de très jeunes. Donc, Shiroki, voilà. C'est eux, c'est vraiment, c'est comme Harakiri, quoi. C'est, on va jusqu'au bout. Parce que eux, ils ont cette volonté violente qui date culturellement parlant de leur manière d'être. Et donc, en Europe, on est peut-être un petit peu plus, à l'écoute de soi, on va dire ça comme ça. On a un petit peu plus de... Donc, si on peut éviter d'aller au bout du bout, comme on le disait, des gens qui mettent fin à leur jour, ou comme ça, si on peut arriver à choper, en tout cas, une certaine conscience au démarrage, on peut éviter, peut-être pas tout, mais on peut quand même éviter le pire. C'est ce qui serait probablement important. Et puis lever la culpabilisation pour éviter que ça soit et ça reste, demeure un sujet tabou que l'on ne veut pas, que l'on garde en déni en fait, tout simplement. C'est essentiel ça, essentiel. Pour la douceur de la veille. Et l'étoile de ma grand-mère, je veux marcher droit, je veux marcher droit. Pour les souvenirs à Marseille et les yeux de mes grands-pères, je veux marcher droit, je veux marcher droit. Là, on va peut-être rebondir sur un sujet qui est, je dirais, au cœur même du sujet de l'épuisement. Mm-hmm. C'est le burn-out parental. Oui. Là, c'est probablement le cas de burn-out où il y a le plus de culpabilité. Mm. Quand on regarde sur Internet les définitions du burn-out, maladie de société qui en veut trop, culte d'urgence, compétition, concurrence, la manie d'évaluation, tout ça c'est une chose, ça commence à être entendu, hein, je dis bien ça commence, hein, ça commence à être entendu. Par contre, quand on regarde et qu'on s'informe sur le burn-out parental, on va vous dire que c'est un phénomène de société. On va pas dire que c'est effectivement une maladie parce que non, ils estiment que non, ça n'a rien à voir. Donc, il y a déjà en amont des gens qui qualifient le burn-out parental comme étant c'est pas une maladie, hein. C'est voilà. Et le burn-out là, j'ai vu un extrait qui est sorti dans la revue française de services sociaux du numéro 294 de septembre 2024 où ils disent les notions de honte, de culpabilité et de comparaison sociale jouent un rôle prépondérant dans ce processus. Donc, la culpabilisation est plus forte encore dans le burn-out parental que dans les autres catégories de burn-out. Dans les autres, le côté culpabilisant. Alors, ils disent dans ce processus, exerçant les symptômes du burn-out parental. Donc, l'analyse met en évidence la nécessité de reconnaître et de comprendre ces sentiments. Donc, c'est de nouveau, on décortique, hein, on enlève la peau de l'orange et on regarde les quartiers les uns après les autres pour entamer le processus de reconstruction. Donc, cette étude renforce l'importance d'une prise en charge globale des individus en tenant compte de leur environnement social et émotionnel. Donc, le burn-out parental est le sujet où il y a le plus de culpabilisation. Mm. C'est d'ailleurs une maman qui m'avait mis le doigt sur cette... différence entre culpabilité et culpabilisation il y a 6-7 mois en arrière, en me disant « Ah, je vais me trouver un bouquin sur la culpabilisation parce que je me rends compte que je commence à être dans un état d'épuisement avec les enfants et que la chose essentielle, c'est que je suis dans un processus de culpabilisation. C'est en fait le regard des autres. Parce que si moi-même je regarde, mes enfants ne sont pas malheureux. Mmh. » Là, je reviens sur André Comte-Sponville, qui est un des philosophes que je préfère. Je l'aime beaucoup. Alors, je ne parle pas de l'individu, je parle de ce qu'il dit en philosophie. Et hier, j'écoutais, quelle est la définition qu'on peut donner au bonheur ? C'est quoi le bonheur, Lia ? Ça, être en accord avec soi-même. Oui, bon, ça peut être une petite définition. Le bonheur, c'est volatile. Mm. T'as l'impression que tu l'attrapes et que ça glisse et que ça... Tout à fait. Ça existe où ? Et c'est quoi le bonheur ? Eh bien, lui, il en donne une définition qui me paraît importante dans le burn-out parental, hein, de prendre en compte cette définition. C'est quand on n'est pas malheureux. Ah bah oui. Donc, c'est pas... Le bonheur n'est pas défini en lui-même, il est défini par le fait qu'on n'est pas malheureux. Et qu'est-ce que veut dire malheureux ? C'est l'impossibilité de se réjouir dans la minute qui est là. C'est-à-dire que j'apprends le décès de quelqu'un de très proche, je suis dans l'impossibilité de me réjouir à ce moment-là. Donc là, ça va être le malheur. Voilà. Et par contre, il n'y a rien qui s'est passé. En tout cas, il y a eu des choses, mais je suis dans une situation où, voilà, j'ai une contrariété au bureau, mais ça ne m'empêche pas de rire. J'ai une contrariété dans la famille, mais ça ne m'empêche pas de rire. Et donc là, dans le burn-out parental, il faudrait mettre en avant ça. Les enfants sont-ils malheureux ? Non, mais je pose la question. Ah, c'est une question que tu me poses. Ça dépend lesquels, mais j'imagine que non. Dans le cas des parents en burn-out qui cherchent... Alors, on avait vu les parents drones, curling, les parents hélicoptères, les parents pieuvres, enfin bref, qui essayent de subvenir à tous les besoins et qui anticipent les besoins de l'enfant pour qu'il trouve un certain bonheur, mais H24, hein, c'est pas de temps en temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'efforts, il n'y a plus de contrariété, il n'y a plus de frustration, ce qui peut être revu par des psychologues comme n'étant pas quelque chose de très positif à la longue. Parce qu'il faut quand même des frustrations. Donc, est-ce que l'enfant est vraiment malheureux ? Donc, dans le burn-out parental, se dire, je le laisse peut-être jouer seul pendant un moment, est-il vraiment malheureux ? Ben non. C'est pas parce qu'il vient qu'il dit, maman, je m'ennuie. C'est pas un état de malheur en soi. Donc, le burn-out parental, dans la culpabilisation de la société, c'est plutôt, est-ce qu'il fait... tu es plus jeune que moi, tu vas savoir dire quelles sont les occupations qu'on fait à tous les enfants maintenant. Oh, malheureusement, trop d'écran, mais ça ne serait pas ma réponse. Non. Qu'est-ce que les enfants aiment faire ? Piscine. Bien sûr, pâte à modeler. Pâte à modeler. Dessin. Dessin, cours de ci, cours de ça, musique, machin, instruments et tout. Et ils ont des agendas de ministres avec ça. Trop. Voilà. Donc, la culpabilisation serait de répondre à un besoin de la société qui est répondre à tous les besoins supposés être des besoins des enfants. Il faudrait répondre à son enfant quand il vient nous dire qu'il s'ennuie. Es-tu dans l'incapacité de te réjouir de l'instant ? Si ta réponse est non, tu te débrouilles. Excellent, Lia. Voilà. Alors là, j'aime beaucoup ta façon de voir les choses. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. We'll be right back. Voilà, chères auditrices et auditeurs. Incroyable. Hein? Merci pour ce son, ça m'a mis en joie. Ah voilà, très bien. Ben, je demande à tous les jeunes de me dire quels sont les chanteurs actuels pour pouvoir vous passer des musiques qui soient autrement que celles que j'ai connues, quoi. Ah bah c'est génial, très éclectique. Ça c'est Angèle, ouais. Oui. Il y a des vraiment, ben il y a Lynn aussi qui est une chanteuse très intéressante. Ok. Qui est, enfin bref. On ne connaît pas. Voilà. Donc là, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc on a parlé de culpabilité, de culpabilisation. Alors maintenant, Lia, je vais te demander de faire de ta copie. Alors, quelle est la différence entre culpabilité ? On va voir si tu as bien écouté. Hein. Alors la culpabilité, c'est quand on se sent coupable de quelque chose qu'on a fait tout en sachant que c'était mal de le faire. Voilà, okay. Bien. La culpabilisation, c'est quand on se sent coupable plutôt à travers le regard des autres, quand on nous fait penser, oula, quand on nous fait penser que l'on a mal fait quelque chose. C'est ça. Voilà. Donc, il y a vraiment une grande nuance. Oui, très grande nuance. Et c'est important de le relever parce que là, on peut commencer à réfléchir sainement. Hein. Dans le cadre de l'épuisement, c'est vrai que souvent, on doit diminuer ses activités. Alors, comme je dis, très terre à terre, parce que je suis quelqu'un d'assez terre à terre, il y a une question de baignoire. Alors évidemment, ça ne parle peut-être qu'aux anciens comme moi, parce que quand on était à l'école, dans les petites classes, on nous disait on ouvre le robinet, il y a tant de litres à l'heure, machin, combien de temps je mets pour remplir la baignoire, enfin bref, des chiffres. Donc la vie est à la base déjà un chiffre. Voilà, je dois avoir un toit, quelque chose dans mon assiette, de quoi me chauffer, et puis, donc on doit quand même prendre des mesures qui font que les choses soient quand même... on ne se retrouve pas dans une situation extrême. Mmh. Ça, c'est certain. Maintenant, ce sera l'objet de l'émission dans 15 jours. Nos besoins. Et là, je ne vais pas parler de la pyramide de Maslow, parce que je vous vois tous arriver. La pyramide de Maslow, d'accord, non, bon. OK, bien que au départ, il y a ce qu'on appelle la sécurité minimale. Je pense qu'il est nécessaire à 99,9% des gens, même s'il y a 0,01% des gens qui sont capables de vivre sans ça. Mais à une majorité, on doit avoir un minimum de sécurité. Maintenant, où se trouve la sécurité? Et on va parler de nos besoins. Et là, je me réjouis. Je vais venir, Lia, avec des dictionnaires. Génial. Mais là, avec des vieux dictionnaires. Et on va voir comment l'évolution de nos besoins a avancé en... Alors attends, que je dise pas de bêtises, 30, en 50 ans. D'accord. Et de voir peut-être de se prendre un petit peu la peine de faire deux pas en arrière, un pas de côté, pour, dans le cadre de l'épuisement, pouvoir voir les choses d'une manière saine quant aux besoins dont on a réellement besoin. Mais oui. Bon. Puis ça va un petit peu avec la société finalement, parce que on dit qu'on crée nos besoins maintenant, surtout au point de vue matériel, hein, et c'est d'ailleurs un désastre écologique. Mais finalement, c'est un peu relié, puisque plus on a besoin matériel, plus au final, il faut qu'on se donne les moyens d'avoir les moyens. Ah ben, c'est certain. Ça, c'est certain. C'est un, on va dire, un serpent qui se mange la queue. Tout à fait. C'est ontologique. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, c'est intéressant, justement, par rapport à la culpabilité et la culpabilisation, qu'est-ce qui est essentiel, quels sont réellement, et peut-être revoir notre copie, donc je te ferai aussi une interrogation écrite à la prochaine émission, hein, pour voir si ta copie, tu l'as bien. Mais t'es une bonne élève, hein, je te remercie beaucoup. Tu es une bonne professeure. Oui, non, mais t'as un bon public quand même. Tu vois, on te pose la question au début, j'ai fait exprès, tu vois, un petit peu pataugeante, parce qu'on a tous une idée, culpabilité, culpabilisation, on voit bien que c'est pas le même mot. Hein oui. Tu vois, il y a quand même, il y a quand même une différence de mots. Donc, il doit bien y avoir quelque part une différence de compréhension. Et en final, tu repars en voyant la différence. Eh ben oui, tu m'as appris quelque chose. C'est très intéressant, ça, surtout dans l'épuisement. Et je tiens à ce que toutes les auditrices et les auditeurs comprennent qu'il est important de ne prendre la culpabilisation que pour ce qu'elle est, le regard des autres. Tout à fait. Je vais juste peut-être terminer par une petite anecdote. Quand j'avais 35 ans, j'habitais avec mes enfants dans un appartement. Hier, quoi. Oui, hier, oui, c'est cela, voilà. Oh, Lia, je t'adore. Je t'aime vraiment. Hier, comme dirait Lia, j'habitais dans un appartement avec mes enfants. Et puis, la concierge habitait juste l'appartement en dessous de chez moi. Quand je suis arrivée à habiter là-bas, donc j'ai habité une année, elle était tous les soirs, quand je rentrais du boulot, elle venait boire le café ou en tout cas un truc, elle discutait. Mmh. Elle était ravie d'avoir trouvé une oreille, donc une écoute. Bon, très bien. OK. Et puis, au bout d'une année, j'ai eu un diagnostic ennuyeux, une tumeur. J'ai eu une grosse tumeur. Mmh. Et donc, je suis rentrée de cette consultation chez le médecin qui, il a vu ça de manière assez grave. Et donc, elle vient et je lui explique. Elle ne parle pas, elle ne dit rien, elle dit « ah bon ». Elle s'en va un peu plus vite que prévu, hein, que d'habitude. Et depuis, je ne l'ai jamais revue. Ah bon, sympa. Elle s'arrangeait même pour ne plus me croiser. Et je pense que ça a été une leçon de vie, pour ma part. Hein, comme je dis, les conseillers ne sont pas les meilleurs. Mais une leçon de vie, le regard des autres, ce n'est pas grand-chose. Eh ben non, tu m'étonnes. Ce n'est pas nous. Hein. Donc voilà. Donc moi, le regard des autres, je l'ai pris avec beaucoup de distance parce que je me suis dit, ce qu'elle pense de moi, c'est un peu égal. Hein. Qu'est-ce que ça fait dans ma vie? C'est rien du tout. Parce que là, je lui annonce que j'ai des embêtements et ça y est, elle n'est plus là. Mmh. Donc le regard des autres, il faut bien calculer et il faut bien regarder. Donc on se retrouve dans 15 jours, Lia. Tout à fait. Hein, pour un regard sur les besoins. Tout à fait. Et tu prends bien ton stylo et ton papier hein, pour la fin pour ton petit examen final. Mais avant ça, du coup, on peut te retrouver la semaine prochaine, parce que c'est déjà la semaine prochaine, le 8 mars, de 13h à 13h45, au sein de la nouvelle salle d'escalade Open Blocks, 16 rue du Vélodrome à Saint-Étienne-lès-Remiremont, avec un programme très intéressant. Oui, très riche. Hein. Mm. Vous pouvez aller sur Facebook, Open Blocks, et vous y retrouverez toutes les informations. Voilà. Et aussi, ne pas oublier, normalement, dimanche, nous avons sur Radio Gemozo, à 17h le dimanche 9 mars, je ne me trompe pas là, voilà, 9 mars, un témoignage de burn-out qui sera donné. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup, Lia, à bientôt. Au revoir, chères auditrices et auditeurs.